Alors, quel est le mot chinois pour je? Wo. Bien. Si on ajoute à cela le mot men, comme dans meunier, men, hein, la première partie du mot meunier. Men, autant neutre, fermez vos poings, men. Donc, pour un mot qui n'a pas de ton particulier, nous allons utiliser un point fermé. Hein. Aucun des autres tons n'est alors employé. En pinyin, qui correspond à la transcription des caractères chinois en alphabet romain qui a été mise au point par le gouvernement chinois dans les années 50, donc en pinyin, ce mot s'écrit M-E-N. Alors, écoutons-le encore une fois. Men. Donc, on prend le mot pour je. Wo. Et on ajoute. Men. Juste derrière. Et on obtient le pluriel de je qui est. Women. Et qui signifie nous. Women. Donc, comment dites-vous nous en chinois? Women. Women. Men, comme le meunier, avec un N à peine prononcé à la fin. Women. Women. Comment dites-vous tu? Ni. Et comment dit-on le vous du pluriel? Nehmen. Nehmen. Alors maintenant, traduisez « Vous êtes chinois » avec le « vous » du pluriel. Nehmen. Et. Shi. Empire du milieu. Zhongguo. Personne. Ren. Nehmen. Shi. Zhongguo. Alors maintenant, comment diriez-vous « nous sommes français »,« nous »,« Women »,« sommes »,« shi », »,« France »,« Fa-guo », »,« personne », »,« ren ». Comment dites-vous « France »?« Fa-guo ». Attention, on dit « fa ». La voix descend d'abord, puis remonte. Fa. Fa guo. C'est ça. Et comment dit-on personne? Ren. C'est ça. Fa guo ren. Et la phrase entière est Women shi fa guo ren. Alors il se passe la même chose avec il et elle. Donc, comment diriez-vous il au pluriel. Tamen. Tamen. Et comment diriez-vous elle au pluriel? Tamen. Alors maintenant, dites-moi, ils sont anglais. Ils. Tamen. Sont. Shi. Angleterre. Ying. Personne. Ren. Tamen shi yinguo ren.